The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Milk. Le lait. To want. Vouloir. To be. Être. Same. Même. Thing. La chose. Now, a bit faster. To be. Être. To want. Vouloir. Thing. La chose. To be. Être. Thing. La chose. Same. Même. Milk. Le lait. To be. Être. Same. Même. Now, use the words in context. Le lait. A café au lait, please. Un café au lait, s'il vous plaît. Vouloir. I want a café crème. Je veux un café crème. Être. It's the morning. C'est le matin. Même. It's the same t-shirt. C'est le même t-shirt. La chose. It's a difficult thing. C'est une chose difficile. Même. It's the same t-shirt. C'est le même t-shirt. La chose. It's a difficult thing. C'est une chose difficile.